Rendez-vous mystère Archie Radio. Voilà, bienvenue dans notre petit rendez-vous mystère. Aujourd'hui, avec l'équipe internationale de scénographie, de nage, de natation, synchronisée. Je vous ai bien vu synchronisée. Donc, l'équipe qui s'est occupée d'aménager différents endroits, différents espaces du festival. Peut-être quelqu'un de vous pourrait prendre le micro. Et... Bonjour d'ailleurs. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que notre lieu Archie Radio est une grande table avec un parasol et de superbes chaises longues transat qui grincent. Et donc, c'est Yvonne Harder qui est assise sur un. Et qui prépare le son mystérieux de demain. Voilà. C'est où le mystère si vous dites qui je suis? C'est le son qui est mystérieux. Alors, Yvonne, je vous ai vu hier déployer plein de matériaux, du bois. Alors, nous, en ce moment, on est plutôt dans le scotch. Scotch. Dans le scotch et dans la moquette, ouais. Principalement. Et d'ailleurs, il faut vraiment passer ici et voir la radio d'Archipel parce que c'est très beau. Il y a pas mal de scotch et de moquettes. Ouais, d'ailleurs, merci, grâce à vous, vous avez amené un update très important parce que sinon, on serait resté un peu avec des tables de bureau un peu plus aseptiques. Là, c'est devenu coloré, un peu comme la salle de jeu. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la salle de jeu est-ce que vous avez fini d'aménager la salle de jeu? Il y a plusieurs espaces. Il y a donc la salle de jeu qui est une pièce pour enfants. Et je vais passer le mot à Luc, qui est le directeur de la salle de jeu. Le deuxième bras. Moi, je suis le bras gauche. Lui, c'est le bras droit de la CNO. Alors, la salle de jeu, en fait, c'est toujours un peu. On a plein de matériaux et on arrive là. Et on se demande, mais cette salle, c'est tellement grand, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et cette année-là, on s'est dit, ben oui, on fait des grands deals où il y a plein de trucs pour les enfants, où il y a aussi de l'espace pour des concerts et tout ça. Et on a fait une improvisation de scénographie pendant 3 jours. Ok, c'est comment l'improvisation en scéno? Improvisation scéno comme Yvonne vient de dire, c'est avec plein de moquettes et plein de scotch. Et on commence et on regarde et on recommence et on chute et on recommence. C'est une orchestration un peu expérimentale. Oui. Oui, tout à fait. Du coup, là, j'ai vu, vous avez fait un peu des sortes de mini-collines comme ça, ou mous avec des coussins en dessous, où j'ai mal vu. Si, c'est pour les ours. C'est pour les ours. Oui, ouais, ils vont arriver ce soir. On ne sait pas très bien qu'est-ce qui se passe sous la moquette, mais il y a des choses qui sont ensevelies sous cette moquette. Peut-être que ça va se dévoiler pendant le festival, peut-être pas. Peut-être qu'il y a des enfants en dessous. Ah, voilà. Peut-être qu'on va les relâcher. Ouais. Ou des ours. Et moi, j'aimerais bien introduire quand même le reste de l'équipe, parce qu'on est très nombreux. On fait une impro à 5. Je passe le micro à... Carlotta, qui nous vient de Zurich, pour nous aider. Bonjour Carlotta. Salut. C'est la première fois que tu te retrouves dans une équipe de scénographie pour un festival? Oui, oui. Comment tu es arrivée là? Sur Kaisa. Oui, je connais Kaisa et elle fait l'administration. Oui. Merci. Salut. Salut. Je suis Emma. Et voilà quoi. Je sais pas quoi dire. T'es en spécialisation dans l'équipe? C'est plutôt scotch, moquette, bois, coupe? Moi, je fais. Aujourd'hui, le seul truc que j'ai fait depuis ce matin, c'est faire des allers-retours à M-Park pour chercher des vis et des scotch dans la neige. Oui, publicité, ouais. Ah oui, c'est le logistique aussi. Comment on dit ça, ce mot ravitaillement. Ravitaillement. Voilà. Ravitaillement. Ouais. Ça, c'est aujourd'hui, mais Je crois que chaque jour a sa petite spécialité. Ah, bah donc vous vous échangez les rôles. Vous êtes polyvalent. Ok. Ouais. Et vous devez. Ah oui, et il y a encore. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Léa. Bonjour Léa. Salut Léa. Et toi, tu as des vrais pantalons de chantier. De chantier, ouais. Ouais. Les autres sont plutôt habillés comme la déco, déjà. Donc, On essaie d'être décoratif. Vous êtes mimétique, en fait. Oui, on va dire ça, oui, on est un peu mimétique, oui. Du coup, à part la salle de jeu, vous avez fait aussi un autre espace qui est dans les couloirs. Et ça, c'est quoi cet espace que vous avez L'espace dans le couloir, c'est un salon et une librairie tenue par Vincent Doreguin. Tu regardes l'heure ? Non, je bouge le bras parce que j'ai. Ah, tu bouges le bras pour aérer le sous-bras. Ouais, je comprends. Mais c'est aussi une zone assez chill, non ? Aussi là-bas, il y a toujours un peu. Il y a un espace pour justement consulter un livre ou parce qu'on n'en peut plus de la musique contemporaine, on a vraiment besoin d'avoir une petite sieste parce qu'on est surmené par tous ces sons. Voilà. Espace détente. J'espère que c'est pas trop flashy pour. Au pire, on peut fermer les yeux. Pourtant, l'espace détente au salon d'écoute, il est aussi valable à la petite sieste. Ouais, en fait, on est dans la moquette, dans le scotch et puis dans la préparation de surface de sieste. Et sinon, il y a le salon d'écoute à l'étage. J'aimerais bien quand même dire qu'on a fait beaucoup de récup. La plupart de la moquette a été gracieusement donnée par un monsieur qui, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, qui travaille quelque part à Genève et puis qui, quand la moquette n'est plus utilisée, la côté, donne à des gens qui en font des installations plus ou moins pour la culture. Les coussins du salon d'écoute proviennent de la très belle salle de Évian qui s'appelle déjà comment la grange je sais plus quoi d'Évian qui en a France, été dessinée par Pierre Bouchain et ils ont changé tous leurs sièges, du coup on a pu récupérer 600 coussins qu'on a transformé donc dans cette installation qu'on peut voir au salon d'écoute et la moquette des enfants qui est duveteuse et blanche comme un ours polaire, elle vient de l'EPFL. Non, pas de l'EPFL. Le pavillon de l'EPFL, non. Non, mais même pas, je dis n'importe quoi. Je crois que c'était une expo... comment s'appellent les Beaux-Arts à Lausanne ? L'ECAL. Ah, l'ECAL, voilà. Un truc avec E, ouais, plusieurs lettres, un acronyme à Lausanne, voilà. Mais l'ECAL. Pas l'EPFL. Ils sont tous plus ou moins proches à quatre lettres, effectivement. Voilà, donc c'est quand même vraiment pas mal d'avoir Bravo. Pu... sauver des choses qui autrement auraient dû être jetées et puis les transformer et puis oui et puis j'avoue que je suis pas je trouve ça vraiment super tant qu'on y est à parler de pratique ça amène à chaque fois aussi une qualité acoustique très particulière à l'espace puisque c'est des espaces très résonants ici dans la maison communale et à chaque fois la moquette ou la laine de ah oui il y a aussi des nuages en laine ça c'est pas de la récup mais c'est ouais. Exactement pour ça il y a des nuages qui flottent un peu partout autant dans le bar que dans le promenoir qui ont cette particularité là d'absorber le son et puis du coup d'améliorer l'acoustique de ces pièces très résonantes c'est aussi très beau à voir comme vous l'avez fait parce que souvent c'est un peu trop à mon avis un peu trop bien fait, ces espaces d'isolation un peu trop aseptiques. Et là, c'est assez vivant. En plus, si on regarde par ici, dehors, il y a la neige. Ça neige au 1er avril là, à Genève. C'est une blague. Juste derrière. Non, c'est pas une blague. Non, c'est une blague pas de nous. C'est une blague, oui, c'est une blague du monde. Bon, c'est peut-être un peu une blague de nous aussi, peut-être de nos parents. Mais. C'est la première année que vous vous retrouvez à investir ce lieu de la maison communale où vous étiez déjà venu les années précédentes et comment vous le retrouvez cet endroit ? En fait, c'est la deuxième année. On a fait la première année l'année passée, mais là, c'était un peu spécial parce qu'il y avait encore cette pandémie. Et pour ça, moi, je trouve que là, c'est vraiment la première année pour nous. Et dans cette équipe, c'est... Ouais. Et là, il vous reste combien de temps pour tout finir? Puisqu'on ouvre, enfin, le festival ouvre tout à l'heure. Est-ce que vous êtes dans le rush ou ça va? Ah, mais c'est pour ça le déguisement, comme la moquette, comme ça vous pouvez continuer de travailler. Non, on y va, on y retourne. Super. Merci. Bah, merci beaucoup pour vous occuper du confort de nous tous. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Archi Radio, la radio du festival Archipel, en direct de 10h à midi sur archipel.org.